Je suis à votre service. Okay. Bonjour. Bonjour. Donc, sentez-vous à l'aise. Vous êtes à l'aise déjà depuis, non? Oui, depuis. Le directeur qui a la parole. Monsieur le directeur, c'est comment? Tu as dit que tu viens par la foi. Parce que si on sortait, si on venait de nous, je ne peux pas te dire que même, n'est-ce pas? Au moins, vous avez vu comment la maison était pleine. Voilà. Permets-moi d'abord de lire quelque chose, d'accord? Ouais. Ça a encore commencé. Tu vas mettre le pouce d'abord, pardon. Oui, tu baisses tout le volume. Ou bien, baisse. Il y a quelqu'un au salon. Ok, baisse la baisse. Je vois, c'est même que ça. Les témoins de Jéhovah, ce sont eux qui ont des témoins de Jéhovah dans la famille. Est-ce que j'ai des Jéhovah? Je vais lire, d'accord. Oui. La Bible déclare, nous sommes dans Matthieu chapitre 10. La Bible déclare, à partir du verset 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tribunal. Ils vous battront des verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Verset 21, suivez attentivement. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puis, verset 24, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus fort raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Tu as suivi ça? Je suis à votre service maintenant. C'est quoi, pourquoi Eric? C'est quoi votre problème? C'est parce que c'est ce qu'il fallait dire. Donc c'est le résumé, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pour ça que je dis que permettez-moi d'abord de lire. C'est pour vous montrer que le Seigneur a le regard sur vous. Donc le Seigneur, c'est pourquoi vous êtes là. Amen. Donc, je vous écoute là maintenant. Bon, voilà ma famille. Voilà mon nom. Et ma cousine. Donc, lui, avec sa maman, mes pères-mères. Bon, et tout ça, et avec mon papa aussi. Ça fait que nous voici en famille. Ça fait qu'il y a eu deux dans la famille et l'une des soeurs a posé le problème. Et la soeur qui a posé le problème, qui dit qu'elle la voit. Comme responsable. Et tout ça, les problèmes, et tout. Bon. Elle a dit qu'elle n'avait plus à bien dormir. Elle a un pasteur, c'est pasteur, pasteuse femme, pasteuse, c'est quoi, c'est prophétesse. Ici, c'est l'accusation. Dans le premier, ici, c'est l'accusation des sorciers de couple. C'est ça, donc, les sorciers. Résume rapidement. Alors, ça fait que, on a saisi des questions qu'ils viennent à la maison. Ils n'ont pas eu le temps de venir à la maison. Dieu a voulu qu'ils s'assoient ici. Maintenant, on m'a donné la responsabilité dans la famille. De gérer la situation. Oui. C'est pourquoi nous sommes ici ensemble. Mais là, c'est n'est qu'une partie. Oui, c'est qu'une partie. Maintenant, le problème, c'est que là où elle est, elle est chez le grand-père. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, elle ne va pas mieux s'expliquer. Oui. Et elle vit la chose. Et je leur ai dit une chose, ce qui est vrai. J'ai dit à l'autre qu'on vient ici. Elle a dit, elle a écouté bien. Quand les autres se sont venus, une autre cousine allait la suivre. Elle a dit qu'elle ne parle plus. Pourquoi? L'influence de l'autre. elle a dit que son mari, elle a dit que je pense que elle n'était pas au courant, peut-être c'est sa prophétesse, c'est son pasteur qui a écrit. Est-ce que vous avez, vous n'avez pas dit à cette femme-là qui se dit prophétesse, qui dit des choses comme ça de venir, voilà. Vous n'avez pas invité? On ne peut pas. En plus, lui, nous a fait une surprise ce matin. On n'était pas au courant de la venue ici. Okay, donc, vous ne savez pas que Eve vous amène ici. Oui, oui. Ok. Donc, ici, il s'agit d'une situation grave d'accusation de quelqu'un qu'on dit que c'est ce qui est devant moi, Eve, ce sorcier, parce que c'est elle qu'on voit. Bah, c'est ta cousine, tu vas dire. Alors, je leur ai dit une chose. J'ai dit, moi, où je vais vous amener, ce qui est sûr, j'ai d'abord le nom du Seigneur, et ce n'est pas un problème de Maracuta, c'est un problème de la parole de Dieu. Parce que, premièrement, si quelqu'un veut suivre le Seigneur, veut véritablement pratiquer ce qui est sûr, vous allez me suivre. Si quelqu'un ne veut pas, c'est mieux, je rentre comme je suis venu à Bonindale. Parce que je suis à Bonindale et au niveau de pharmacie, et moi je suis à Bonindale. Alors je rentre tranquillement. Je vous ai dit que ce n'est pas seulement le problème de séparation. Parce que à l'heure que je vous parle, elle cause plus avec sa soeur, qui est sa cousine directe. Celle qui a envie de voir, celle qui a réalisé l'accusation. Oui, les problèmes ont commencé à y déchirer la famille. Et qu'est-ce que la prophétesse a dit face à cette situation? On va mieux vous expliquer. Oui, non, il faut qu'on parle parce que c'est lourd. C'est lourd. Après que vous aurez parlé, je vais vous donner la pensée de Dieu. D'accord. C'est pourquoi vous êtes là. Donc, voilà en quelque sorte. Comment est-ce que je leur ai dit? Parce que moi, quand je priais, j'ai demandé au Seigneur que voilà la situation, je te présente une fois de plus la situation de ma famille. Voilà ce que j'ai rencontré. Ce n'est pas seulement le problème de séparation, mais c'est un problème de mort. La mort, c'est voilà. Et à l'heure en cause, la mort se trouve, la personne morte est encore là. Oui, vivante. On n'a même pas encore fait quoi que ce soit. On dit que cette personne c'est déjà mort et que c'était la personne qui en a les tuer. Donc, il y aura la mort dans la famille. Donc, je te dis un peu pas. Et ça m'a rappelé ce que vous avez enseigné, je divisais pour mieux régner par rapport à l'autorité. J'ai compris, ça fait que ça bouge. Et le Seigneur, quelque chose que je peux faire, est-ce que je peux les amener ici? Elle dit que oui, mais si ils refusent, tu les laisses. Donc, je suis venu maintenant. L'autre a refusé. Alors, je suis allé toquer là-bas, je dis, elle est où? Elle est toujours à côté d'elle. Bon, déjà, grand-père. Bon, déjà, est-ce que c'est accessible? Je peux venir là-bas lundi? Lundi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rentrer maintenant, vous faites une réunion lundi, vous m'attendez jusqu'à ce que tu me donnes un OK dimanche soir pour dire que lundi ce sera libre parce que lundi c'est férié. Comme ça, je viens au milieu de vous, on parle de tout cela. La prophétesse même là. Oui, qu'elle vienne au milieu et dise que c'est que Dieu, ce qu'elle Dieu parle. D'accord. Voilà. C'est très important. Oui. Ça fait que je leur ai dit que la mort route. Alors, il faudrait que. Trouvons une solution. Voilà la solution, je vous amène. On prie, on essaie de voir ce que ça peut donner. Alors, ma tante qui est allée, mais qui m'avait donné, ma tante qui est la grande sœur, qui m'avait donné le kitis, qui dit que prends les choses en main. Prends les choses en main. C'est toi qui es pasteur de la famille, c'est prends ça. Donc là, tu es pasteur de la famille, tu as dit que l'autre, c'est pas pasteur. Ouais, c'est la parole de Dieu qui est. C'est un pasteur. C'est un pasteur. Il sort de très loin. Lui, c'est le gars. Non, il sort de très loin. Voilà, vous pouvez oublier. Il sort de très loin. Ah ouais. Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur m'a orienté par rapport à ce problème. C'est pourquoi je dis je confie tout au Seigneur. Là, voilà. Elle a dit elle n'est pas. Et c'est pour ça qu'elle est là. Et c'est pourquoi elle est là. Voilà. Et mon oncle a dit que c'est pas moi ce qui va raconter. Il faut qu'elle écoute les témoins. Voilà, deux personnes, le témoin de deux personnes est vrai. Donc, voilà comment est-ce que. On veut éclaircir Oui, là, mais avant de lui passer la parole, je parle d'abord son oncle. Merci d'être venu. Merci pour quand déjà une situation aussi gravissime se touche et que vous consultez plutôt la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse vraiment pour cela, cette initiative, d'accord? Parce que quand Dieu sort, quand il donne la voix et les régulations, si on transcende ça ou bien on essaie d'aller autre, c'est lui qui va frapper maintenant. Parce que quand il donne la voix, il donne les sanctions qui y a à faire. C'est pour ça que j'aime Dieu dans cette situation. Voici les situations qui challenge l'Église. De savoir qu'on doit dire, parce qu'en réalité, il y a vraiment une situation qui se passe d'ordre spirituel dans votre famille. Mais il faut qu'on sache exactement d'où ça vient. On commence à placer, on place quelqu'un devant comme bouc émissaire pour accuser, alors que vraiment il y a quelqu'un en écran derrière. Voilà. Tu vois cela? Oui, quelqu'un a fait le travail. Donc il faut que cette réunion se passe. Ouais. On va savoir que Jésus-Christ est vivant. Voilà. Donc merci d'être venu. Et merci pour toute l'initiative que vous avez prise pour entreprendre, pour venir de ce côté-ci. Alors je pose la question, quand vous êtes venu, vous venez voir qui? Alors, quand on vient, on vient voir, comment on appelle ça, pas le prophète. quand on vient voir l'homme de la parole de Dieu, oui. de Dieu. L'homme qui se fait passer par Dieu fait passer par lui. Ok. Par lui. Donc ça veut dire que si je parle, vous saurez que c'est la voix de Dieu ici. Oui, c'est pour ça que vous venez chercher la solution là-dedans. La solution. Mais en venant à la maison, vous avez vu les gens à la maison, vous êtes surpris de la personne que vous voyez. Oui. Moi-même, j'ai. C'est-à-dire que c'est lui là-bas que j'ai demandé que si c'est vraiment. J'ai même dit à mon neveu que je suis son grand frère. C'est son grand frère. Je suis son grand frère parce que j'ai le petit quand même. Quand tu avais vu celui de l'autre, monsieur qui est gros là. Tu as dit que c'était lui. Non, moi, quand j'ai vu, il était costaud celui qui est gros. Oui, tu as dit que c'était lui. Tu as vu que c'est lui le pasteur. Tu as dit qu'il méritait le pasteur. Parce qu'il est gros. Il est costaud parce que pour voir le pasteur maintenant, tu connais. Dans beaucoup d'églises que je connais, qui sillonnent à Bonaberry, oui, les pasteurs sont là, ils sortent les voilà, ils tenus à l'aise, ils ont des leurs membres qui les mettent à l'aise, ils ne font rien comme vous voulez, vous avez balayé, oui. Vous avez votre femme. Ah donc vous avez quand même balayé. Oui, et j'ai votre femme rendre le ménage, mais d'autres pasteurs, il est. Moi je dis qu'il est béni par Dieu, excusez-moi. Il est sous son ordinateur. Il y a ceux qui les servantes, qui sont là, d'autres qui lavent, mais les habits, d'autres qui partent pour prendre la poubelle. Je connais cette église. Donc quand tu avais le temps de balayer le sol, tu dis, mais attends, c'est lui là-bas. Tu es sûr que c'est lui là-bas. C'est lui là-bas. J'ai même dit que je suis son aîné. C'est parce que je suis son aîné. Oui, de loin. Hein? Moi, je vais déjà 37 ans. Quand tu commences à Bilin, le frère Bilin reste tranquille, il rit seulement. Oui. Hein, frère Bilin. Frère Bilin, mais il cherche tout ce qu'il vient faire, c'est quand il vient ici, là, il y a toujours le problème. Il cherche toujours le problème partout, il vient ici à Ngoli Bakoko avec ça. Mais il n'y a pas de problème, mais Dieu est vivant, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous sommes sur la terre pour servir. D'accord, bienvenue. Merci. Tiens, le coup de ma chère. Au-delà de cette accusation, c'est te concernant. Je vais te parler de. D'autres situations, d'accord. C'est bon, maman. Voilà, on va gérer dans ça. Ils feront Mireille. Aide-moi. Donc, il faut maintenant qu'on parle à baptiser. Elle vient, il faut qu'on prie pour elle parce qu'il faut qu'elle te délivre quelque chose habite dans son ventre. Là, donc, je t'ai dit, donc, par rapport à ta situation, au-delà de ces accusations, parce que l'accusation est grave, parce que l'accusation c'est quelque chose d'ordre spirituel. Ça peut arriver au niveau de là où. Les gens sortent de la matière. Ah. Où ça amène des malédictions dans la famille au point où les enfants de la génération en génération sont maudits à cause de cela. Mais au-delà de cela, je vais te parler de d'autres choses spirituelles qui arrivent dans ta vie. Les choses que tu expérimentes, que ce n'est pas normal du tout dans ta propre vie. Et dis pourquoi cette accusation-ci est arrivée. D'accord, c'est ça qui a amené cette accusation-ci. C'est pour ça qu'il va falloir qu'au-delà de ceci, que tu te ranges véritablement avec le Seigneur. Tu vois un peu cela. Si tu te ranges véritablement avec le Seigneur, tu es caché avec Christ en Dieu, on peut pas, ces choses ne peuvent pas arriver comme ça. Ça, c'est le signal pour te dire de rentrer rapidement. D'accord? Je t'écoute déjà. Merci d'être venu aussi. Oui. Elle a tenu. Ok, ok. C'est que ça va. C'est qu'elle peut partir seulement. Celle-là connaît la route. Non, elle part. Ah, elle connaît la route. Parce mais voilà, prenez là-bas. Maman, là. Non, elle part. Je veux qu'elle part. On baptise sa mère. Elle soit au courant. Parce qu'elle avait été baptisée là-bas. Comme sa mère a peur de lui. Elle va voir le grand. Elle va me demander que ça arrive. Qui ça? Maman. Que ça arrive, c'est juste bon, c'est parce que Brian n'est pas encore baptisé là-bas. Le coup d'eau qui est ici en bas, il peut aller ici. Apparemment, Fraché lui a dit qu'il y a un coup d'eau aussi. Attends, il est où? Brian, viens. Regarde, on est allé loin, loin, comme on partait souvent là. Viens comme ça. Oui, tu suis là. Mais la soeur Mireille, c'était ici. Et c'est pas où on avait baptisé la soeur Mireille. La soeur Mireille, elle a de l'âge. Tu dis que c'est Mireille, en celle-ci. Non, c'était loin là-bas. Il y a une personne qu'on a baptisé ici là-bas. C'est ici, c'est à 2 mètres quelque part. On est déroulé, aller loin là-bas. Donc il y a un coup d'eau. C'est pas long du tout. C'est pas long. Elle passe devant le magistrat. Tu vois, on était vu le pont en bas là, non. Ah, il marche tout droit alors. Oui, il est dans la moto, il est sur la moto là, il parle de baptiser. Il descend tout droit comme ça. Oui, tout droit. Tu vas seulement tout droit. Quand tu vas traverser là-bas, c'est tout droit, il n'y a pas de route. Tu descends tout droit. C'est maximum 200 mètres. Tu vois, alors quand tu vas aller au collège, tu vas voir le pont en bas. Vous avez l'eau là-bas, côté en bas. Bon, je suis avec toi. Moi, pour commencer, je vais souvent, on ne peut pas entrer dans les détails comme ça au milieu là. Tu es à l'aise, non? Non, je suis un peu à l'aise parce que d'une part, j'ai peur. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va aller. Bon, avant là, j'étais d'abord en location. J'étais d'abord en route. J'étais bien à l'aise. Je suis rentrée maintenant chez mon grand-père. Oui. C'est là que tous ces petits problèmes là, petits trucs ont commencé. Mais avant ça, quand j'étais petite, je vais vous dire une chose, quand j'étais petite, parce que moi je veux que le don, le problème, la fondation, la racine. Voilà, quand j'étais petite, quand j'avais peut-être l'âge de 6 ans ou 6 à 7 ans comme ça, ou 8 ans, je sais pas, je me rappelle. Puisque dans la maison, là où je suis actuellement, là maintenant, il y a une source que grand-père a laissée. Bon, étant petite alors, il y avait un dimanche, et ça, on n'habitait pas là-bas, mais il y a eu une fois que nous sommes allés rendre visite à grand-père, et tout, c'était un dimanche, nous avions de 17h, 18h comme ça, quand j'étais encore petite. Il a laissé mes grandes sœurs et il m'a pris. Il m'a amené à la source. À la source. Et il y avait les poissons. J'entends. Il y avait les poissons. Et comme lui, il était quelqu'un d'un notable. Notable. Bon, je ne sais pas. Mais à mon âge, jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé tout ce qui s'est passé. Et le nom du poisson qu'il m'a montré. Il m'a pris la main comme ça. Il m'a dit. Là, c'était, il y avait lui aussi là. Bon, enfin, on était là. Il m'a montré. Tu vois le poisson qui et le poisson est venu aux enfants de vous. On n'a pas, le poisson n'a pas il y avait les poissons. Là, il y avait les poissons. Il y avait les poissons dans la source. Oui. Donc, c'était quelque chose qu'il avait bien aménagé. Bon, la source était dans sa concession. Oui, c'est dans son territoire. Alors, c'est parce qu'à présent, c'est encore là, mais il n'y a plus. Il n'y a plus de poissons. Il n'y a pas les petits poissons, mais plus comme. Un beau poisson, là, qui avait plus de. Après, il m'a dit, mais tu vois, le petit poisson, le poisson qui. Qui dandine partout, là. Il dit, oui, pépé. Il dit, à partir d'aujourd'hui, c'est ton poisson. Bien. Je dis, ok. Enfin, quand j'étais petit, elle m'a dit que bon. Comme tu peux dire, tu peux montrer même le chat à l'enfant ou alors le chien, que ça c'est ton jouet. Permets-moi avant que tu commences. Et tu sais que cet événement a marqué dans ton esprit. C'est pour ça qu'il dit qu'au-delà des accusations, je vais parler des états, ce que je veux dire, je vais toucher ce domaine, c'est particulièrement la profondeur. Ouais. Oui, avançons. Ok. Bon. Et moi, je fais partie de la danse traditionnelle. Oui, voilà. Voilà. Il arrivait donc parfois que quand on voyageait comme ça, les rébili, mais moi, je laissais toujours mes amis, je partais toujours à côté de l'eau. Et tout. Bon, il arrivait une fois, quand j'étais avec le feu René Bell. Bon. René Bell, c'est le prince supérieur du doigt là. Il est mort. Bon, on tapait les commentaires comme ça là. Après, moi, j'ai seulement prononcé le nom du poisson comme ça, Coloco. Il t'a regardé comme ça, il a dit que c'est une autre dimension ça. Coloco, mais. Je suis arrivé. Je suis venu quand il me pose la question que le nom que tu viens de. Ça, c'est les initiés qui ont ce nom. C'est ce qu'il me dit, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est le nom des initiés. Je ne connais pas, c'est seulement mon grand-père quand j'étais petit. Non, il voulait par là dire que ce sont les initiés qui connaissent peu. Oui. Après, moi, il me dit que. Mais est-ce que tu connais? Je ne connais pas. Parce que quand j'étais petite, c'est mon grand-père qui m'avait montré un poisson comme ça. Et le nom du poisson, c'est de quoi? À partir de lui, c'est ton poisson. Il me dit non. Ça, c'est un poisson vraiment, c'est une sirène. Oui. Ça c'est le poisson à c'est une sirène. Est-ce qu'il t'a montré comment utiliser? Est-ce que tu m'as dit que non? Donc on dit que le problème là est là. Et quand je suis avec les hommes, mes amis, quoi, ils ne mettent pas long avec moi. Oui. J'ai toujours des problèmes avec la belle famille. On me dit que je suis sorcière. Donc quand pas sorcière, je suis forte. Oui. J'aime ça. J'ai un sang fort, machin, que je ne comprends rien. Mais quand je suis avec les hommes, quand je suis en route, donc. Ça va bien. Très bien. Très bien. Mais si vous allez à la maison, c'est autre chose. Non, là, c'est la merde. Là, j'ai ce problème-là depuis. Après, il y a seulement dit que, je ne sais pas. Mais je sais que je prie à mon niveau. Je remets tout entre les mains de Dieu. Je ne sais pas si c'est Dieu qui ne veut pas, qui ne m'a pas encore envoyé. Un homme. Ou alors quand je suis. Alors que c'est la sirène, non, qu'elle est chassée. Et quand je suis avec les hommes, ils sont toujours à l'aise. Si tu ne travailles pas, que tu es avec moi, ou tu as des problèmes de trucs, toi, tu en profites. Donc, c'est un peu ça. Oui. Et maintenant, il se retrouve aujourd'hui que j'ai des problèmes avec ma cousine, là, ma soeur, là. Que on t'accuse. Que ma sirène veut déjà la nourriture, réclame la nourriture. Ça les cornes, comme la femme l'a dit. Ils ont dit que ta sirène réclame la nourriture. C'est plus grave que ceci, les choses qui se cachent derrière. Ça veut dire que toute la famille sait que tu as une sirène. Ah. C'est déjà connu, déjà. On a fait une assise ce dimanche. Juste que j'avais deux semaines aujourd'hui. Juste que j'avais d'abord, j'ai d'abord ça. S'il y a une bouteille d'eau ici, là, ou alors quand je bois. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je veux causer avec toi face à face. Mm-hmm. Je veux que les deux se quittent pour que je te pose certaines choses, des questions d'ordre privé. Allez vous promener. Okay. D'accord. Merci pour votre merci. Dès qu'on finit, on vous appelle. D'accord. Frère Billet, va le faire comme. Il voit mes maïs qui est semé partout là, d'accord. Voilà, voilà. Comme ça, on cause. Oui. C'est vous comme ça que je suis en train de chercher depuis. Les gens comme vous que je suis en train de chercher depuis. Parce que je passe à la radio, je prêche, je dis que ceux qui se livrent dans les trucs de pratique de Ngondo et autres, de festivités de Ngondo, comme que c'est la sorte, il faut qu'on quitte ce monde. Je comprends souvent. Ah, tu entends souvent ça? Moi seulement, je dors toujours avec un radio pour nouvelle. Oui. Et quand tu entends ça, tu dis que Aka, il dira, le pasteur dira. Non, je sais, parce que moi-même, je ressens qu'il y a quelque chose en moi. Oui. Ok. Excusez-moi, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure par rapport à l'eau. Tu as dit si on met une bouteille d'eau maintenant, qu'est-ce que c'est? Donc, ça, c'est une vision, c'est comme une vision. Subitement, ça vient automatiquement. Tu vois un peu. Ou alors quand je bois, je peux avoir une casier de bière là, si je ne saoule pas. Mm-hmm. Mais si vous êtes même 10 personnes, ça peut choisir une personne ou deux personnes, je lis ta vie. Mm-hmm. Et quand je lis là, il faut que je parle là, parce que le lendemain, je vais me poser la question, mais Cathy, toi ou quoi, non, je vais s'en occuper. Tu n'es plus au courant. Je ne sais pas. Mm-hmm. Donc là-bas à la maison, moi je ne cache rien. C'est à quoi je suis venu ici. Mm-hmm. Là-bas à la maison, grand-père a laissé, il y a l'arbre là-bas derrière. Oui. Ça fait c'est un mois ou c'est deux mois aujourd'hui que je suis arrivé, je suis sorti de la boîte comme ça. Oui. À 4 toujours, 4, 5 heures, quand les gens dorment, moi je ne dors pas. Oui. Et subitement, je suis allé là-bas. Qu'est-ce qui t'a réveillé? Pourquoi tu pars là-bas? Tu sortais de la boîte, tu es allé là-bas, pourquoi? Tu t'es senti poussé là-bas? Oui. Mm-hmm. C'est l'esprit qui m'a envoyé là-bas. Oui. Et quand je suis arrivé là-bas, subitement, je ne sais pas, parce que moi je ne vois pas. Avec les yeux, oui. Mm-hmm. Mais c'est l'esprit là, ils m'ont demandé. Il fallait l'oreille. Oui. Ça m'a demandé l'oreille. Pas l'oreille. Dépend de vos attaques, tu m'apportes ça. Oui, continue. L'oreille. Mm-hmm. Et lui rouge. Mm-hmm. Et le sel. Oui. Après, bon, l'esprit là parle dans l'arbre. Ça parle comment? Ça, donc... Tu entends comment? Dans la savette, dans vos les rouges à lèvres avec les fards dans vos yeux comme le drapeau français. Chauder les cheveux. Tu entends souvent ça, hein? Mm-hmm. Donc, il demandait que l'esprit la parle où, à quel niveau? Quand ça vient comme ça, moi-même, je ne vois pas, mais... Tu entends? Si, oui. Mm-hmm. Tu entends les voix te parler. Et la voix est quoi? Fais comme ça, là, fais comme ça, tu dois faire comme ça, là. Et c'est toujours la voix d'un homme. Et je ne remarque pas sa voix. Mm-hmm. Je ne remarque pas la voix. Et ça s'est passé comme ça depuis quand tu es petite? Non. Quand j'étais petit, je n'avais pas tout ça. Pas... C'est maintenant comme tu es conscient de maintenant. Quand je suis encore rentré à la maison, à village, à l'autre là. Oui. C'est encore ça. Donc peut-être que ça veut dire que la force de la source, ça vient de la concession et ce qui est en moi. Oui. Donc, je ne sais pas. Mm-hmm. Je ne peux pas dire ce que je... Tu ne connais pas. Donc, toi-même, tu ne maîtrises pas cela. Je ne maîtrise pas. Ok. Et l'arbre, tu parlais de l'arbre qui est derrière la maison. Oui, vas-y. Oui, c'est ça qui avait demandé la nourriture. Mm-hmm. Donc, dans cet arbre-là, tu entendais la voix comme si ça provenait de là-bas. Si. Mm-hmm. Et la personne qui devait, on m'a demandé, la personne qui devait normalement sortir son argent, c'était ma tante de Limbé. Mm-hmm. Bon, après, ils se sont dit que non. Comme la famille et les problèmes, tu après, on va encore appeler à Limbé que tantine, on a demandé ça, il faut que toi-même tu sors ton argent. Peut-être que ça soit encore les problèmes. Là, mm-hmm. j'ai laissé. Je suis allé voir une voisine, mm-hmm. une locataire là. Comme ça, pour dire que mes Victorine, je viens comme ça, je viens de la boîte, mais je suis allé sur l'arbre comme ça. Là, si demain j'oublie. Mm-hmm. Alors dis-moi, rappelle-moi. Mm-hmm. Parce qu'on m'a demandé le riz. Mm-hmm. L'arbre là, je veux manger. J'ai demandé le riz, l'huile rouge et le sel. Oui. Mais je n'ai pas fait ça. Laisse-moi dire que tout ça, pourquoi, Cathy? Et quand tu as dit à ta copine, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas ma copine, ma voisine là. Elle a dit, elle avait peut-être que c'est peur ou c'est quoi. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle va me rappeler ça le lendemain. Mm-hmm. Et après, j'ai pris une bouteille tanguy, une petite bouteille tanguy. J'ai allé à la source mettre l'eau là-bas. Mm-hmm. Parce qu'on m'a aussi demandé de mettre ça, de bénir sa maison. Mm-hmm. Juste ça. C'est juste dans sa maison. La maison de qui, celle à qui tu as parlé là? Oui, elle a le salon de coiffure. Et elle a accepté ça? Elle a accepté, il n'y a pas de problème, puisque elle sait que j'ai une vision, mais je lui ai pas, elle ne sait pas l'histoire de la famille. Mm-hmm. Et là, elle a un salon de coiffure, oui. Où les femmes viennent se tresser. Mm-hmm. C'est nos locataires. Toi, tu as cet esprit-là, on dit qu'il faut que tu bénisses oui. là-bas. Et tu as béni, elle a dit qu'elle dérange, ça ne dérange pas. Elle n'a rien, elle n'a pas posé des problèmes ou alors machin. C'est un peu ça. Mais l'histoire, c'est de ma soeur, là, ça. Oui. Bon, là, et si maintenant, ça te permet de. L'histoire qui se pose maintenant de l'accusation, on t'accuse maintenant que. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'on a dit directement dans tes oreilles qui t'ont vraiment mis hors de toi? Et qui a créé la famille, le remous de la famille comme ça, cette accusation-là, qu'est-ce qu'on a dit de toi particulièrement? Non, si c'est la personne même qui est cause, enfin je ne peux pas dire que je ne sais pas, mais la personne même, c'est la maman Lydie là. Oui. Puis elle a commencé à traiter, donc elle soigne ma cousine là depuis, mais moi je ne vois pas de changement. Bon, maman Lydie là, c'est ce qu'on appelle prophétesse là. Oui. Et elle a de soigner ta cousine là. Oui, ma cousine là. Et elle a de dire que c'est là où ça commence, là où l'accusation commence. Donc la cousine là va vers elle pour les prières. Oui. Et c'est là où elle a dit, mais on a de dire maintenant que c'est elle, quand on prie, c'est toi qu'on voit. Que c'est moi qu'on voit. C'est toi qu'on voit. Parce qu'elle a une petite fille qui a 4 ans. Oui. L'histoire a commencé comment? C'est la petite. Puisque ma cousine était au salon, oui. Et sa petite allait dans leur chambre, je ne sais pas si c'est visionné, oui. Elle est maintenant sortie en courant, oui. Comme ce qu'elle dit. Oui. Elle a dit à sa maman, la petite a dit à sa maman que maman, j'ai vu une tata coucher dans ta chambre, oui. Porter ton collant. Oui. Pas science. Je comprends très bien. De l'enfant, il y a eu une vision que dans la chambre de sa maman, comment quelqu'un était couché sur le lit. Voilà. Oui. Maman, elle a d'abord léger, comme elle a dit que pour la première fois, elle a léger. La deuxième fois, l'enfant vient encore dire qu'elle a peur d'entrer dans la chambre parce que où elle voit mon visage, ou c'est quoi, comment elle ne sait pas. C'est là qu'elle aussi, elle a appelé Maman Lydie là. Avec tout ce qui se passe, même si elle a pas la tête, elle appelle. C'est là que Maman Lydie aussi vient, l'appelle au téléphone pour dire que non, l'histoire, le collant là, ne porte plus tes habits là jusqu'à ce que je vienne là-bas à la Villa Charlotte pour bénir la maison, les habits, tout ça, machin. C'est là maintenant que l'histoire a commencé, que quand elle est arrivée, elle a fait ses 5 jours, on ne se parle même pas, moi je n'appelle pas. À quel niveau donc ton nom intervient? C'est ce que ça veut dire que bon, moi je ne savais pas qu'elle ne. Donc elle avait déjà fait une réunion avec sa famille, quand je dis sa famille, son mari, le père de ses enfants, pour ne plus me savoir pourquoi, parce que maman Lydie a vu là-bas que c'est son mari aussi, que, je ne sais pas si son mari, moi je m'excuse, mais donc c'est sorti là-bas que son mari m'a vu, son mari a dit que non, Nelly, tu as une soeur comme ça, là, elle a un tel chocolat, elle est comme ça, elle habite aussi là-bas dans la Villa Charlotte, mais c'est elle a quelque chose en elle, elle a une mamie Ouata et cette mamie Ouata déjà elle a les cornes et c'est son esprit qui rôde dans toute la concession qui dérange la maison. C'est ce qu'elle même nous a dit, que c'est ce que la femme de maman Didier a dit. Oui. C'est que, mais quand il y a quelque chose comme ça là, toi tu caches souvent, tu me dis, mais quand je te salue le matin, tu ne me salues plus, comme si je t'en laisse. Oui. Bon, on va aller doucement. Oui. On va aller doucement parce que là où tu es, c'est pour ça qu'il dit dès le départ, au-delà de ces accusations, si c'est pour ça que Dieu t'a envoyé ici, pour que tu en sois délivré. Mais avant que tu n'en sois délivré, c'est pour ça qu'il fait partie de tes frères là. C'est pourquoi on parle, on creuse justement. La danse traditionnelle de Sawa, est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est l'aspect culturel qu'on voit là où on danse tout ce moment-là? Non, moi je ne peux pas dire que c'est simple. Essaye de nous expliquer. Moi je ne vois pas que c'est simple parce qu'il y a toujours quelque chose qui est caché, il y a toujours une force. Bon, ce qu'on a trouvé quoi, ce que nous les petits enfants ont trouvé, parce que ce n'est pas simple, il y a toujours les rires et les charades, des trucs toujours comme les sirènes, les mamies Ouattara. Oui. Moi je vois que c'est toujours ça parce que. Les histoires de l'eau là, Gondo c'est quoi, même les trucs là, c'est toujours, les grands-pères, les anciens grands-pères, les sorciers là quoi. Oui, ils sont dedans. Ils sont dedans à l'intérieur. Oui. Quel est le but donc pour qu'ils font, quand ils font les fêtes, ils pensent que ce soit en décembre. C'est en décembre. Quand ils font cela, les jeunes filles sont là, la festivité qu'on fait au bord de l'eau, quelqu'un entre dans l'eau. Avant là, on entrait vraiment là-bas, il y avait le truc. Oui, là, mais maintenant là, ce n'est plus comme ça parce que maintenant c'est l'histoire d'argent. Ce n'est plus comme avant. Avant, une petite fille comme ça n'allait pas au Gondo, on nous cachait seulement. Oui, maintenant tout le monde y va. Là, tout le monde y va. Ce n'est plus, il n'y a plus la force là pour moi. Oui. Il n'y a plus rien dedans. Là, maintenant c'est l'argent, c'est le business. Oui. Et depuis que tu participes là-bas, parce que tu vas, c'est que là, votre culture, cette tradition est proche de ceux des Batanga qui sont à Kribi. Et je crois que tu as eu à effleurer là-bas avec, avec cela. Quelles sont les choses que tu as remarquées là-bas qui ne vont pas, toi-même, en tant que quelqu'un qui a participé? Sois ouverte, parce que bientôt, après, je vais prier pour toi, c'est ça, n'est-ce pas? Dans le Gondo. Oui, dans le Gondo, qu'est-ce que tu as remarqué? Enfin, quand, parce que j'ai abandonné ça depuis, ça fait depuis que j'ai laissé, parce que... J'avais déjà un problème qui voulait déjà me déranger. Oui. Quand j'assistais toujours là-bas, là, il y a les notables, les grands. Bon, je sentais comment mon corps... C'est comme si tu changeais, oui. Il fallait seulement que je fasse comme une sirène ou alors que je... Tu sentais comme si tu voulais te métamorphoser. Oui, comme ça. Donc c'est un peu ça, la chair de poule, il fallait seulement que je dis maintenant la vie des gens, là, comme une folle, je ne sais pas. Tu sentais que tu n'étais plus comme... que tu te comprenais plus toi-même. Surtout les tam-tams là. Quand on t'appelle les tam-tams, on peut l'entendre. C'est comme si tu voulais que tu fasses, il faut que tu danses. Et voilà. Là, tu as arrêté. Et là, j'ai arrêté le Gondo, mais je n'ai pas arrêté la danse, elle sonnait complètement. Quand on danse, ça, tu te sens à l'aise. Non, là, maintenant, je le maîtrise. Donc tu sais maintenant comment tu maîtrises. Mais quand il y a les notables, quand il y a les grands esprits, ils portent leurs habits traditionnels. Mon corps n'est pas tranquille, je ne suis pas moi. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas simples alors? Non. Donc mon corps n'est pas... Je ressens que toi, tu n'es pas bien. Oui. Et je ne peux pas te donner... Tu ne peux pas le fixer comme ça. Non, je sais que toi, tu n'es pas bien. Mais depuis que tu es rentré dans la maison, si tu te sens à l'aise... Voilà, c'est mieux. Je me suis rendu que peut-être... Je ne sais pas si on va le matin quelque part là. Mais tu es prêt s'il est possible de dormir, de passer la nuit ici aujourd'hui. Voilà, mais il n'y a pas de problème. Moi, je vais seulement payer ma grande soeur de s'occuper de mon enfant. C'est comme ça. Voilà. Donc. C'est quand tu veux la délivrance, quand tu veux la vérité. C'est comme ça. Bienvenue, d'accord. Il dit, ce sont les gens comme ça, comme vous, les échantillons, comme ça, comme vous, pour que les gens qui nous écoutent dans le monde entier, Billet, tu as mis les enseignements que tu as écoutés. J'avais donné le CD. Tu as dit quoi, tu déranges. Le CD, non. Tu as su. C'est là, nous, comme ça. C'est ça que, il en sait quelque chose, mais c'est moi-même qui ne veux pas que l'esprit là aussi, et je voulais te poser, vous poser une question, non, dis-tu. Je ne sais pas si c'est quelque chose de... naturel, que c'est Dieu qui est en train de me vouloir utiliser. Si c'est ce que grand-père m'a montré. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'après la prière, je vais te poser la même question. Tu vas savoir si c'est naturel, d'accord? Voilà, parce que ça me dérange. Bon, supposons que ce soit mal. Est-ce que tu veux t'en séparer? Si. Ok. Tu veux t'en séparer, ça suppose que tu veux clairement qu'il n'y ait plus d'action entre vous, entre toi et eux, n'est-ce pas? Voilà. Rentrons dans la généalogie, quand le grand-père t'a fait comme ça, quand il a fait ça, quand il t'a pris, toi, aller en bord de l'eau et faire ces choses, t'a montré ce poisson. Quels sont les rêves que tu fais depuis ce moment-là? Non, je suis à l'aise. Tu es à l'aise? Ça, c'est quand tu étais petit, maintenant, quand tu as grandi maintenant, qu'est-ce que tu expérimentes? Rien ne m'a jamais dérangé. Tu te sentais en sécurité? Bien. Oui. Je savais toujours que non. Ma famille est là, ou mes copains sont là, ils sont à l'aise avec nous. Oui. Mais c'est seulement eux, quand une personne est bien de nous après-demain, la personne me quitte. Oui. Tu n'as jamais su que c'est cet esprit-là qui les chasse à côté de toi, tu sais. Cet esprit ne t'a pas jamais averti. Et encore plus, ça arrivait une fois, avec un ami dans ma chambre, la personne a fui. Oui, il a fui carrément parce qu'il a vu autre personne. Voilà. Il a vu, il me dit, mais non. Il a fait comme ça, il n'a même pas porté les chaussures, il est parti. Il m'a dit que non. Il m'a dit au téléphone que non. Il est parti, pourquoi? Parce qu'il a vu mes yeux. Tu avais changé. Tu avais changé. Et moi, j'ai pleuré. Et pourtant, tu l'aimais. Tu veux mener ta vie normalement, comme les autres mènent la vie, mais tu te vois. Voilà. J'ai pleuré, je me suis mirée, mais où sont dans les yeux là? Et là, l'esprit n'a jamais averti, ces esprits n'ont pas jamais averti. Je ne vois pas ça. Oui, vous voulez dire que même il m'a averti les trucs comme ça, n'a rien, nada. Mais partout où j'y vais, je suis rassemblée. Donc les gens, j'aime les gens même, j'aime aussi les gens. Oui. Mais j'ai seulement quelque chose que si mon heure arrive, que je vois là, attends, comment tu descends là, je vais seulement aller vous parler. Voilà, maintenant, le Seigneur Jésus, son nom est puissant. Et sa puissance est disponible. Sa puissance est commensurée au-dessus de toute puissance, d'accord? S'il arrive donc que tu sois délivré de cela, il y a une règle à suivre désormais. Parce qu'il y aura les répercussions, les attaques qu'ils vont perpétrer. D'accord? Ils vont attaquer. Ou bien ils vont refaire surface pour reprendre la charge. Donc ça veut dire que tu as une certaine façon maintenant, une vie à mener. D'accord? Tu as une nouvelle vie à mener. Une nouvelle vie que tu dois mener. D'accord? Parce que quand on va prier là. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas dormir ici. Tu vas sortir. Comment? Mais tu vas sortir. Il n'y a pas de problème. Mais il pourrait rentrer demain. Tu peux repartir là-bas, pour que tu partes là-bas lundi. C'est pas mieux qu'elle dorme dimanche. Et donc, elle revient ici dimanche. Et comme ça, on part ensemble. Comme ça, oui, puisque lundi. Puisque lundi, il est 13h. Tu as pris rendez-vous là pour lundi. Aujourd'hui, on non, il faut d'abord qu'ils partent. Faire l'assise pour demander. Parce que si, parce qu'ils peuvent ne pas vouloir que je vienne. C'est pas égal. Il faut que c'est lui qui va confirmer si je viens ou pas. Mais pour elle, il y a un travail. Si il parle de son travail personnel. D'accord. Parce que j'en ai parlé de demain, qu'elle donne, parce que demain, elle pourra partir. Parce que comme ça, Brian, si soit Brian, c'est grand prof comme ça. Comme ça, Brian va l'amener à l'eau cette fois-ci avec soit Madoka, soit les autres là, toujours là-bas. On peut le faire maintenant. Parce que d'abord, je travaille avec elle. D'accord. Donc j'attends quand la maman va rentrer, on va prier une fois ensemble. On va prier une fois ensemble pour les deux. Et je ne veux pas que les enfants soient là, qu'ils soient dans la chambre particulièrement. D'accord. Donc il est 13h, on va aller à la prière, pas de problème. Donc tu veux que ça s'arrête? Là, je ne comprends pas. On va prier là maintenant pour les deux avant d'aller en assemblée. Oui. Ok. Je viens de dire. Ok, d'accord. Comme ça, elle va dormir. Il faut que je la surveille pour cette nuit-ci et que demain. Donc je viens de lui dire donc, que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, mais il va falloir. Tu as vu, quand vous êtes venu, j'ai pris la Bible, j'ai lu. Et puis j'ai dit que ici, ça nous démontre clairement que le moment est arrivé, il faut aller de l'autre côté. Tu ne peux pas être neutre dans la vie. Soit tu es du côté de Satan, soit tu es du côté de Dieu. Et tu ne peux pas être dit que non, je ne suis pas du côté de Dieu, moi je prie seulement. Tu peux prier. Dieu a ses règles à lui. Pour qu'il veille sur toi, il a les règles que tu dois faire. Et donc c'est pour cela qu'il a envoyé donc, les enseignants sur la terre pour orienter les gens. De la même façon, comme tu vois ton grand-père, comme il a fait comme ça, il était un initiateur. Il fait comme ça, il t'attribue. Tu remarques bien qu'il n'a pas fait un rite particulier. Il suffit de dire que si. C'est parce que là-bas, on lui a donné l'injonction que voici la personne que nous avons choisie. C'est donc il vient t'indiquer tout simplement, il quitte la scène. Donc, c'est la fonction qu'il a faite pour ce monde-là, c'est la même fonction que moi ici, je fais. Je t'indique comment faire pour marcher avec le Seigneur Jésus. Lorsque tu marches avec le Seigneur Jésus, même s'il y a n'importe quoi, ta bouche qui est là, tu prononces au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça va les renverser. Mais il va falloir seulement que tu sois en alliance avec eux, d'accord? Donc, tout à l'heure, ça va s'arrêter. Mais il va falloir que la vie conséquente, que ça puisse suivre. C'est-à-dire que désormais, que tu marches comme Dieu veut. Quand tu marches comme Dieu veut, c'est en vertu de cela qu'il pourra veiller sur toi. Parce que tu ne peux pas quitter maintenant, tu peux marcher avec eux. Tu dis que tu marches avec le Seigneur, tu dis que tu n'es plus avec eux. Mais tu quittes la voie du Seigneur. C'est que tu es vulnérable, tu seras vulnérable. Tu seras comme par exemple un militaire qui va aller à la champ des tirs, on lui a donné les gilets, pas à le porter. Il enlève, il dit que on tire la balle, ça va entrer. D'accord, donc il va falloir que tu sois sérieux. Et Dieu merci que vous avez un pasteur dans votre famille. Là maintenant, tu peux donc vraiment suivre comme il se doit. D'accord. Parce que cet esprit-ci, ça te pousse particulièrement à la prostitution. C'est-à-dire que tu vas sentir, c'est comme si tu as besoin de l'amour. Ça te pousse donc à aimer ces choses du monde-là, sans te rendre compte de ce qui allait t'arriver. Parce qu'il utilise ton corps donc, pour jouer, pour gaspiller, de gâter les vies. Donc il faut que ça s'arrête. D'accord? Si il y a des questions à poser, tu poses toutes les questions que tu te sens à l'aise. Mais je ne savais pas qu'on pouvait aller rapidement à ces choses-là comme ça, parce que je voulais que vous me dites qu'il y a une accusation ici, pour qu'ils disent maintenant que toi, tu as quelque chose. J'ai dit, quand on va finir cela, je vais arriver dans ta propre vie. Je sais que vous saviez cela, vous avez seulement touché ça, parce que vous savez que je devais toucher cela, n'est-ce pas? Que mon menton descend, je devais toucher là-dedans. J'ai dit, parce que dans votre cœur, c'est que si c'est un homme de Dieu, il va savoir vraiment qu'il y a quelque chose. Oui. Donc, par rapport à l'accusation, je ne veux pas te dire ici que tu es coupable ou non. J'aimerais que l'assemblée soit là pour que je dise exactement ce qui en a causé le problème. D'accord, qu'est-ce qu'elle a causé le problème? Parce que la fille qui est dans la maladie comme ça, elle-même a des situations qu'elle a de vivre, qu'elle ne connaît même pas. Voilà. Et maintenant, la prophétesse elle-même qui a de prophétiser que c'est toi qui a de faire quoi que ce soit comme ça, elle-même, elle a des problèmes. Donc, tu vois vraiment que les gens ont besoin de délivrance, non? Voilà. Et je vais souvent poser une question pour la concession. Oui. Si fait à Dieu que je, avec l'aide de Dieu, oui. La délivrance. Oui. Non, tu vois, là où il y a l'eau, là, tu dois quitter. Tu dois quitter. D'accord. C'est là-bas qu'on va faire la réunion. C'est là, si on va faire la réunion. Oui, non, j'aime ça. J'aime ça parce que quand il y a les esprits là à la maison, j'aimerais venir à la réunion, à la maison pour voir vraiment ce que les esprits là vont oui. Ce qu'ils vont faire. Parce qu'en fait, la source, quand tu vois la source, c'est le passage. C'est un passage. Ouais. Tu sais ça, hein? Je sais qu'il y a la force de grand père là-bas. C'est le passage. Il y a toujours la force là-bas, je sais. Mm-hmm. Voilà. Donc, moi j'ai posé la question à cette maman, elle dit que est-ce que si je quitte de la maison, mm-hmm. est-ce que ma grande soeur, ma soeur va guérir? Elle mm-hmm. dit non, mais c'est pas n'importe où, l'esprit là-bas me suivre. Mm-hmm. Ça va toujours déranger. Mm-hmm. Bon, la solution qu'ils ont proposée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit comme solution? Qu'il faut qu'elle-même me touche. Ah, qu'elle-même te touche? Oui. La Lydia, là, te touche? Oui, il y a souvent dit que quand ma grande soeur n'est pas venue aujourd'hui, même quand elle reste avec maman, elle dit moi aussi je viens ici. Que tu veux, que toi aussi je suis ton pasteur. Le feu, là, lui. C'est ça. Parce qu'elle dit en attendant de lire, mais que non. Là, maintenant, c'est bon. Comme mm-hmm. elle ne veut pas. Puisque moi, je n'avais pas le programme. C'est-à-dire, on n'avait même pas ça. Il a commencé à appeler à 6h du matin, tout le monde. Mm-hmm. Donc, comme toi, tu n'as pas le temps. Et même si maman lui dit, viens là maintenant, tu auras son temps. Oui. Reste là-bas. Moi, mm-hmm. je vais venir ici. Mm-hmm. C'est comme ça. Et tu remarques que cette fille-là, donc, on en accusé, est constamment malade à répétition. Ma malgré les prières, ça ne change pas, n'est-ce pas? Il y a autre source par rapport à ces choses aussi. Elle a d'abord l'asthme, elle a d'abord ses petits trucs. Voilà. Mais quand elle a d'abord peur, elle n'a même pas la foi. Voilà. Mmh. Et moi, ça me fait ma passion, c'est ma soeur. Là, mmh. Et malgré que tu l'aimes, tu sais que voilà. Quelqu'un doit créer les tensions pour vous séparer voilà. Seulement. Voilà. Donc, ça va changer. Appelle-nous les hommes qui sont partis. Ils reviennent, on continue la conversation. D'accord. Courage, d'accord. Ça va s'arrêter tout à l'heure là-même. Chérie, pousse-moi la table là-bas parce que on va prier. Pousse-moi la table là, au coin là-bas. Sens-toi à l'aise. Mes deux enfants là, les belles familles, deux belles familles, c'est la mère. Mm-hmm. C'est quand je suis en route, je suis allé, tu peux tout me donner, mais quand je suis chez toi, je vais te poser une question par rapport à ta vie de mondaine. Quand tu sors la nuit, tu passes le temps en boîte. Ça, c'est une façon, tu sais que ce n'est pas toi que tu satisfais. Tu sais quand tu fais cela, ce n'est pas toi. Quand tu sais que lui, quand tu peux faire ces choses, malgré que tu fais, tu sais que ce n'est pas toi, que tu ne sens pas la joie comme tu aurais souhaité. Tu penses que c'est quoi? Mmh. C'est pas aussi le fait comme tout le reste. Tu penses que tu joues là, tu es en train de jouer la vie. Alors que à l'intérieur là-bas, peut-être que je suis en train de rôder avec mon esprit. Avec une vie, notre vie, quoi. Mmh. Non, c'est normal. Merci. Vous avez encouragé. Non, il s'était pas mal. Vous pensez. Il s'était pas. Il a quand même fait un tour contrat. Donc, pour voir un peu la concession. Vous avez fait comme Abraham a fait pour posséder Canaan. Donc, tout à l'heure, on va prier pour elle. J'ai dit qu'elle va dormir ici. Elle va dormir. Et j'ai dit, si on prie pour cet esprit s'est chassé, il va falloir qu'elle ait une nouveauté de vie. D'accord. Oui. Et là, une façon de vivre. Et j'ai dit, comme c'est bien, comme ils ont un pasteur dans leur famille, le pasteur va les guider dans la voie de la Bible, de la voie de Dieu. C'est la seule façon. Tu ne peux pas être dans les ténèbres, tu combats les ténèbres. Oui. Tu dois choisir ton camp. Et Dieu merci pour cette famille, c'est parce que voici, c'est une famille qui a été maintenue longtemps dans les ténèbres. Au fur et à mesure, Dieu est en train de les révéler pour manifester sa puissance. Il pipe ainsi. C'est vrai que dans la famille, il y a beaucoup de religieux. Mais ils n'ont pas encore confronté vraiment la puissance de Dieu. Et par conséquent, dans votre famille, il y a des gens qui sont en même temps des sirènes, en même temps, ils chantent Dieu. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut qu'on prenne position. D'accord. On ne peut pas jouer à ces jeux-là. Donc, comme vous êtes revenu maintenant, il est temps de dire que je ne pensais pas qu'on pouvait aller rapidement comme ça à choses. Parce que quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, au-delà de cette accusation, je vais parler des... Et supplément, Dieu merci, le Saint-Esprit a fait qu'elle commence que là où on devait aller. Donc elle a besoin de délivrance. après qu'elle soit délivrée, elle va savoir maintenant, elle va se découvrir elle-même, la transformation va avoir lieu. Donc, et celle qui en est accusée là, elle-même a les mêmes problèmes, les mêmes situations. Donc, on a léché les boucs émissaires, elle a les mêmes problèmes. Même la femme qui prie pour elle aussi, elle a les problèmes. Donc, c'est terrible seulement dans cette famille. Oui. Je sais que nous sommes en train de parler par rapport à cette situation. Je profite aussi de cette occasion par rapport à mon oncle. Oui. Voilà. Tu veux seulement que tout le monde soit sauvé dans la famille là. Si possible, c'est une bonne chose pour tout le monde. Mm-hmm. Ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est appelé. Mm-hmm. Puis, mais ceux qui sont appelés vont prendre position. Amen. C'est pourquoi je sais une chose. J'étais trop. Tout le monde se méfie derrière de moi parce que papa. Par rapport à sa vie passée. Si Dieu a permis à ce que ces choses-là se passent, il m'a donné le courage pour qu'on arrive ici et que les solutions commencent déjà à émerger. C'est une bonne chose. Et du coup, je rends grâce au Seigneur en me disant merci une fois de plus. Voilà mon oncle. Problème de responsabilité, problème de femme, problème, je ne sais pas. Ça ne va pas. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faudrait que lui-même en parle. Non. Parce que lui, il a des problèmes d'ordre spirituel, c'est pas le problème d'ordre physique. Il a des problèmes d'ordre. Il y a des choses. Il a des problèmes que ne peut même pas parler avec un homme. Voilà. C'est quelque chose, c'est lui à lui, de lui à moi qu'on parle. Voilà. Il y a des choses qu'il fait dans le privé, que c'est seulement lui qui connaît. Donc vous-même, vous ne connaissez pas. Est-ce qu'il me trompe? Donc ce sont les choses qui se passent. Il est là. Voici le plus gros problème ici. Le plus gros problème, c'est ici. Mais on va voir son cas. Mais voici le plus gros problème. Vas-y, ici, c'est question de vie ou de mort. Tu vois un peu cela? Parce qu'ici, il y a une situation qui va positionner dans sa vie où si on ne stoppe pas ça maintenant, ça va la faire. Elle va sortir, elle va enlever son habit. Un de ces jours, commencer à crier. On va pas savoir ce qu'il en est. Donc ça doit s'arrêter là. Donc pour lui, j'ai un problème, il connaît. Parce que quand je mets le cœur, j'ai toujours été déçu. Déçu, la dernière, il peut déjà connaître ce que je parle. Tout à l'heure, je lui ai dit que je veux plus de femmes. Que c'est fini comme ça, la paix. C'est-à-dire que j'ai actuellement une autre relation que je suis en train de prendre parce que c'est moi-même qui avais fait l'erreur. Mais je suis en train de servir. J'ai béni. Tu as dit que tu veux plus qu'on te poignarde une deuxième fois. Deuxième fois. C'était touché. Un temps, tu vas me chercher comment, si c'est la dérévanche que tu vas faire avec les femmes maintenant. Si tu vas chercher la. La dame là, c'est une dame. Tu avais dit que je suis avec une dame prophète. Elle venait prêcher l'évangile pour ma grande soeur qui avait la vie. C'est que tu étais venue. La femme là, oui, elle m'a dit va même appeler la fille. Elle travaille à lui, on l'a fait à Bafa. Va appeler la fille, qu'elle soit ici venue à la délivrance. C'est la dame là qui m'avait. Parce que moi je donne cours. Elle m'avait dit, là où tu as donné cours, je ne connaissais pas, elle ne me connaissait pas. Il y a un petit que tu donnes cours de répétition pour moyen de. Oui. Son papa te donne l'argent à miettes. Oui. Il t'avait donné l'argent à miettes. Oui. C'est l'argent là qui t'a fait donner. Il prend ta souffrance. Maintenant, j'avais même dit que je ne peux pas plus donner cours là-bas. Elle m'a dit, va, il va te payer. Mais tu seras sauvé. Déjà. C'est dame. Après ça, j'ai arrêté parce que. C'était des propos d'argent. Tu arrives, l'argent. Chaque jour, l'argent. Non, c'est pas ça. Moi, tu veux l'amour. L'amour. Oui. C'est qui est entré? C'est la maman qui s'est fait baptiser. La maman de la soeur Mireille. Ok, j'arrive. On l'a pas noyé. Pas encore. Comment tu vas faire ta soeur comme ça? Non, il a dit qu'ils peuvent dire non comme ils peuvent dire oui. Oui, exactement. Parce que j'aurais souhaité qu'elle vienne dimanche, comme ça on part tous ensemble. Bon, il m'a dit que comme on ne sait pas la tendance, parce que quand quelqu'un voit, ici la menace, il s'agit de puissance contre puissance. Tu vois, donc quelqu'un peut rester comme ça, il dit que de toute façon je vois la nuit, on dit que personne n'est chaud. Voilà. Donc, il a dit que s'il refuse, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est qu'elle soit délivrée. Oui, dans tout son compartiment, là où elle se trouve. Ça veut dire que si je vais à la maison, puisque je vais donner le compte rendu. Tu proposes, bien sûr. Et j'ai dit à la famille que bon, voilà. Parce qu'il a dit que il sait ce qui se passe, mais il aimerait parler de ça au milieu de tout le monde. Oh oui. Et dit si c'est cet esprit, c'est ce Mami Wata là qu'elle a, si c'est ça ou si ce n'est pas ça. Oui. Parce qu'elle a posé la question par rapport à cet esprit là. Donc il a lui ne veut pas prendre, il a dit qu'il ne veut pas parler de ça là. Il attend d'abord ce qu'eux ils vont dire. C'est moi qui vais rendre compte, c'est moi qui vais l'appeler. Voilà, donc si tu dis qu'ils ne sont pas chauds ou bien tel a dit comme ça et tout, il va, il n'y a pas de problème. Maintenant le Seigneur va orienter autre. Non, elle dort déjà aujourd'hui, elle rentre demain. Elle est dehors aujourd'hui parce qu'il doit prier pour elle là tout de suite. Avant qu'on aille à l'assemblée. Donc, elle va dormir. Non, tout à l'heure, on va aller à l'eau avec elle. Ah, ça, ça, merci. Ah, donc maintenant, il y a changement de programme. Ça veut dire qu'elle va à l'eau alors. Donc, tout à l'heure. Ça va, toi? Elle a souvent bien. Ah, que Dieu soit. Après l'eau, après l'eau, va venir se changer. Il va encore prier pour elle et puis vous allez rentrer. Ok. D'accord. Okay. Mais je le souhaitais qu'elle dorme ici. Oui. Mais vous allez voir ce qu'on va faire. Vraiment parce que Dieu va faire. Dieu va faire. Voilà, on va voir l'orientation. Parce que toute la maison, en tout cas, est ouverte. Vous avez vu, non? Oui. Ce qui fait que même si c'est dans un mois, même si c'est demain, même si il dit qu'elle revient. Mais elle revient. Elle si c'est une fois par mois. Non, ça ne dérange pas. C'est votre maison. Il faut les veuves bien dormir ici. Ça ne dérange pas. Alors. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. C'est la question qu'elle dorme. Non, c'est comme il va aller, oui, il s'en est, il n'est pas ça. Il n'est pas ça. Donc, comme changer. Bon, oui. C'est Dieu qui fait ce qui va Dieu faire. Qui Il est là-bas. Tu l'as causé. Vous avez causé quand même. Vous avez causé. Il a plein de réponses. Ça va? Oui. Je vais rendre compte à la famille. Oui. Je vais t'appeler. Oui. Comme ça. Lundi. Si lundi, vous êtes d'accord. Mais il faut que dimanche soir, tu me dis. Dimanche soir. Comme je sais que comme c'est lundi, il n'y aura pas trop d'embouteillage chez vous. Là. Oui, comme ça, il veut venir. Tu vas m'indiquer l'endroit où il était. Oui, s'il y a d'autres questions. Moi, j'ai aussi un petit problème qui me dérange, c'est le palu. Je ne sais pas si c'est naturel, c'est le palu. Ne t'inquiète pas, c'est tout ça qui est. Je viens que les remets à la pharmacie, mais comme ça, fatigué. Et depuis ce problème-là, on m'a pris le cou, je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à bien dormir dans ma chambre, tout ça. Et la bagarre là-bas. Et je vais mettre avec mon fils dans sa chambre. Toi, en tant qu'oncle, est-ce que tu sais que cette chose de festivité de Ngondo là, au là-bas, c'est la sorcellerie au juste? Oui, par rapport à ces parler de maintenant, je crois. Tu comprends. Ok, maintenant. Oui, et quand tu regardes, je ne suis pas de votre tribu. Quand quelqu'un dit à l'extérieur, de l'extérieur, en disant ces choses, on peut croire peut-être qu'on a insulté la culture de l'autre, n'est-ce pas? Mais il faut y être et savoir ce qui se passe spirituellement pour savoir effectivement que ce qu'on appelle en réalité culture, en toile de fond, se trouvent les esprits des ténèbres qui sont là pour maintenir les familles dans la captivité. Il a dit ça tout à l'heure. Donc, et tu penses qu'il a raison? Tu as du mal à croire que ta culture est mauvaise. C'est vrai. Là où je suis contre lui. Oui. Mais je ne suis pas contre lui à 100%. Oui. Mais je suis contre lui. Oui. Non, mais d'abord, il faut le reprendre avant qu'il n'ait pas été baptisé. Je suis contre lui à 80%. 80%. Donc oui. Il y a certaines choses que je peux accepter, oui. Et que je ne peux pas accepter. Oui. Bon, ce qu'on va faire maintenant, toi et moi, oui. Tu vas savoir maintenant que le nom de Jésus est puissant. Quand on va prier pour elle, on va savoir si oui ou non c'est la tradition de Jésus qui est bien ou c'est la tradition de Ngondo. Oui. C'est ça pas vrai? C'est vrai, tu vas voir ce que je vais voir. C'est ce que tu vas voir. Oui. Allons-y au salon. Lève-moi la chaise, on va voir. Donc, l'oncle a dit que ça c'est. C'est l'une des choses que les choses se passent aussi rapidement. C'est l'une des rares fois où les choses se passent. Celui qui est dehors là, fermez-moi la barrière. Il veut pas, si quelqu'un soit la raison qui va enlever plus que quelqu'un. Fermez la barrière. Ma femme est dehors. Oui. Ferme la barrière, tu retiens la clé. Il ne veut pas voir quelqu'un ici là maintenant. Donc, je n'ai plus de visite maintenant parce que j'ai fini avec mes étrangers. Ça, ce sont les gens que Jésus aime. Donc je suis obligé d'enfiler. C'est bon là? De fermer. Ferme la porte. Les portes n'ont pas encore fait le bruit. La main. Tu es baptisé maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que quand tu étais petit, tu avais dit que non, on m'a baptisé petit. Il ne veut pas que quelqu'un me dérange. Mais maintenant tu es baptisé. Tu es rentré dans l'eau. Tu es à l'aise maintenant, n'est-ce pas? Quand tu as plongé dans l'eau, tu avais peur, maman. Arrêtez comme ça là. Comme tu sais, à Blosse, il y a des régions, on dit que les gens de l'eau habitent là-bas. Oui. Donc tu as peur qu'on t'envoie dans l'eau, on te prend. Quand tu t'en pieds. Donc j'espère que quelque chose n'a pas dérangé maintenant. Maman, lève-toi, allons au niveau de tatami. On va lutter maintenant. Non, lève-toi, on va prier depuis. Lève-toi, d'accord. Toi, viens aussi. Tiens-toi là-bas. Ne vous inquiétez pas, d'accord. On va prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte cette fille maintenant. Quitte-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà donc tout ce que les filles qui passaient au monde ont. Des esprits à l'intérieur de nous. On est distribués. On est distribués. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, des jeux que je toi, sirène des eaux, je t'ai vu. Je t'ai vu. Elle est chaude dans ce ventre là qui va venir là. Sors, toi, puissant des eaux. Au nom de Jésus Nazareth. Donc vous voyez, on dit sirène des eaux, on dit sirène des eaux. Peuple, il est bien ici. Mais tu es un peu plus là-bas, mais dans seulement ta main, la même chose va se passer. La même chose va se passer. Dans la main, les flammes vont sortir là. On dit sirène des eaux, vous voyez les flammes, il y a sirène des eaux, sont beaux. L'autre, si celle-ci, elle a les crocs comme ça. Vous avez les cobras avec des crocs ici. Pratiquement comme le serpent là, c'est comme ça qu'elle a. Ils sont là-bas. Je te commande le sang de Jésus-Christ. Je te commande le sang de Jésus-Christ. Je te commande le sang de Jésus-Christ. Sors le nom de Jésus-Christ. Sors le nom de Jésus-Christ. Sors le nom de Jésus-Christ. Sors le nom de Jésus-Christ. Sors le nom de Jésus-Christ. Sors le nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de l'eau. Sors le nom de Jésus-Christ. Sors le nom de Jésus-Christ. Sors le nom de Jésus-Christ. Sors. Sors le nom de Jésus-Christ. Sors. Sors! Sors! Maintenant, tu sais que tu es vaincu. C'est la même personne contre qui on en a parlé depuis. D'autres sont partis. Ah, c'est une autre présence qui est là maintenant. Donc, ça, c'est une autre présence qui se trouve là maintenant. Voilà. Celui-là aussi est parti. Maintenant, il manque maintenant le chef des chefs. Celui-ci, c'est son mari. Son mari dans les eaux ici maintenant. Tu vas partir toi aussi. Tu vas partir. C'est son mari, le plus violent, c'est celui-ci. Donc ça c'est son mari. Elle ne t'appartient pas. Et Belé, c'est qui? Et Belé. Oui. Qui est Belé? Belé. Tu connais Belé? L'un de sa famille. Pas chez moi. Pas chez nous. Sors! Livre-se, Jésus-Christ m'a sauvé. Il dit que pendant que mon prix de lui parlait d'Esther et Belé. Qui est Belé? Quelle est ta relation avec elle? Elle aussi la danse traditionnelle comme enfin, elle me danse avec lui. Elle est bouddhiste. Oui. Et avant là, on nous attendait plus. Pourquoi? Parce que quand elle venait chez moi, me rendre visite, elle me parlait toujours de bouddhiste, bouddhiste. Moi, je ne sais pas. Oui. Tu as vu? Toi, tu la connais, hein? Tu connais celle-là? Elle a bon amour. Alors, quand j'ai parlé de Ebele, ça t'a surpris? Vous voulez dire que ça t'a surpris quand on appelle son nom? Quand tu allais à l'eau, c'était comment? Que tu te vois quand tu es en forme maintenant, n'est-ce pas? Tu as du travail maintenant. Tu as du travail. Donc Ebele a besoin, je crois que si tu la rencontres maintenant, elle a besoin de la délivrance. Elle a besoin de la délivrance. Son enfant, même moi je peux dire qu'on a volé son enfant comme ça, son enfant est mort comme ça. Merci, maman. Mais tout à l'heure tu étais fatigué, maintenant tu es en forme, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous raconter donc l'histoire, l'issue de comment ça s'est passé le parce que ton oncle André, oui, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous lors de ta délivrance ici. C'était chaud, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Est-ce que tu te souviens de quelque chose? Quoi que... Esprit de sirène. Esprit de sirène. Ce n'est pas ta femme. C'est bon, pourquoi tu voulais taper Bilal alors? Quoi? Pourquoi tu voulais le taper? Tu sais que tu voulais le taper. Elle a voulu te taper, non? Ça va là maintenant, non? Quand tu le vois maintenant, ça va, non? Oui. Pourtant, tout à l'heure, tu voulais le taper, c'est pas ça? Hein? Oui. Tu te déranges. Hein? Tu n'es pas au courant, n'est-ce pas? C'est quoi ton problème, moi, juste? Tu veux rester ici? Viens le rester ici au milieu, tu vois ce que je pense. Viens le voir. Dis à la sœur là que courage. Dis Jésus que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen. Il est tout puissant. Voilà. Amen. Mais regarde, je te sens pas sur ça. C'est vrai. Maintenant, tu te sens comment? Comment tu sens à l'intérieur? Comment tu te sens? Bien. Tu penses donc que qu'est-ce qui s'est passé en toi pendant qu'on priait? Tu sais pas. Tu sentais seulement comment ton corps bougeait. C'est comme si j'étais loin, je sortais dans un monde vraiment, je ne sais pas. Enfin, j'étais surprise de lui voir devant moi, quoi. Mais pourtant, tu étais ici. Mais ça a commencé comment? Puisque quand tout à l'heure, vous étiez debout. Vous étiez debout, toi et la maman là. Vous étiez debout. Comment ça a commencé pour que tu perdes connaissance? Tu es soir là comme ça. Je ne peux rien vous dire. Non, je ne sais pas. Je me suis retrouvée au sol après, lève-toi, tout ça. Je crois que ça s'est passé comme ça, du coup, au sol, et puis lève-toi, elle ne sait pas que ça a duré, n'est-ce pas, Frédéric Boulet? Que la sueur a coulé, c'est ce qui, c'est ce que tu as cherché le mouchoir. Voilà, donc le Seigneur te bénisse maintenant, elle a un rôle maintenant à jouer, dans l'apprentissage de la parole, mais elle n'a pas le choix, Jésus lui-même n'a plus le contrôle maintenant. Le Seigneur Jésus n'a plus le contrôle, donc sa vie maintenant, c'est ça, même si elle fait n'importe quoi, c'est Dieu qui va la corriger. Maintenant, il y a une responsabilité, donc quand vous rentrez, il attend seulement le feedback. Oui, comme lui, il est un témoin oculaire, oui. Et comme il a vu des choses, il a écouté des choses, je ne voudrais pas donner, parce que vous êtes venu à cause de l'accusation. J'aimerais bien dire, en fait, normalement, ça saute aux yeux que c'est le vrai problème qu'il y a. Ça saute aux yeux. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, oui. Je ne disais pas que c'était vraiment le véritable problème. D'accord. Qui nous a amené. Voilà. C'est pour ça qu'il dit qu'attendez, je lis d'abord. Lui dit que je vais seulement lire la parole pour vous, sachez que. Et c'est là où il a souri directement. Il a compris que ça sert à vous. Donc c'est l'accusation. L'acte des accusations qui fait en sorte que les gens créent le problème de tension dans les familles, ça saute aux yeux que ce n'est pas cela. Alors, que le motif, ce n'est pas cela. La personne n'est pas cela. Alors, mais que quelqu'un se cache derrière l'écran pour faire des choses, d'accord? Mais le pourquoi il veut venir, c'est pour qu'on essuie le problème qui se passe sous le nom de Jésus. Ça, c'est l'une des choses. Pour que quelqu'un ne dit pas, comme vous dites que c'est un prophétesse qui dit des choses, qu'on arrête cela. Parce que on crée des divisions pour rien, alors qu'il n'y a pas cela. Ça fait un sens que l'amour entre sa soeur, il ne se regarde plus comme oui. Comme si là, pourtant il y a un vrai problème. C'est celle-là qui est de véritable problème. Donc, là, ça va aller. Attends seulement votre appel. Votre appel, maintenant vous appelez. Oui, si c'est possible, on prie pour toute la famille. Okay. C'est ça ne va pas se dépasser, elle sera obligée de se dépasser pour l'une des. Oui, c'est mieux. Ok. Parce que j'aime fier que nous nous déplaçons pour le bonheur de la propre. Pour l'accompagner. Oui. Donc, va maintenant, tu lui donnes le compte rendu. Tu dis que. Oh, je ne peux pas te dire qu'il te met le mot à la bouche. Tu as un direct. Parce que les histoires de. On va aller parler. Là. Voilà. Donc, le Seigneur vous ramène, d'accord. Le Seigneur vous reçoit. Sentez-vous à l'aise. Maintenant, tu es délivré. Tu as une nouvelle vie devant toi. Va et marche avec le Seigneur. Tu as la grâce que tu as. Papa passe tout. Dans la famille. Donc, maintenant. Ngondo, il faut qu'on s'en méfie, pas vrai? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Faut qu'on s'en méfie. Tu ne devras plus. Non, même c'est tout de. C'est tout de. C'est traditionnel, là, c'est terminé. Tout est fini. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne soirée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple tout. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours et pas à pas se fera.